Chapitre 23e. Vous dites que c'est moderne. Tout ce qu'il y a de plus moderne. C'est une femme qui a fait cela. J'ai eu le plaisir de vous le dire. Et vous la connaissez. Je l'ai vue à l'ouvrage. C'est prodigieux, n'est-ce pas? Le riche manufacturier se passa la main sous le menton. C'était son geste favori, dans lequel il y avait de la complaisance et du doute à la fois. « Envoyez-la-moi donc, » dit-il après une courte méditation. Madame Nanteuil se mit à rire. Il la regarda tout surpris. « Pourquoi riez-vous ? » ?»« Parce que vous êtes tous les mêmes, mes beaux messieurs. Je vous montre la garniture de la robe de ma fille, qui est très réussie, n'est-ce pas ?»« Oui, très réussie. » »« Vous dites, voilà qui est prodigieux. Et vous demandez à voir l'ouvrière. »« Qu'y a-t-il là de singulier ?» fit Monsieur Moisson, en levant les sourcils qu'il avait fort noirs. « Oh, rien du tout. Vous allez proposer à l'ouvrière soit de venir chez vous à la manufacture de Valenciennes, soit de travailler chez elle à ses pièces. Est-elle riche ? Non. Eh bien, vous allez lui offrir un beau salaire de 10 francs par jour pour élever des ouvrières ?» Monsieur Moisson, de plus en plus ébahi, regarda Madame Nanteuil qui commença à rire. « Comment le savez-vous ? Est-ce que vous n'êtes pas tous les mêmes ?»« Mais 10 francs par jour, c'est beau cela. Où sont les femmes qui gagnent honnêtement 10 francs par jour ? C'est très beau, certainement. » Nous disons donc qu'elle vous instruira des ouvrières, vous ferez un monopole de ce qu'elle enseignera et vous gagnerez 100 000 francs par an. Monsieur Moisson chercha une réplique et n'en trouva pas. Que voudrez-vous donc, dit-il, qu'elle fût associée à vos bénéfices? Le manufacturier bondit, sans souci des yeux qui le regardaient. Marguerite Nanteuil, depuis 5 mois à Madame Reynold, s'approcha de sa mère pour lui demander cause de cette animation. De quoi s'agit-il? Dit-elle en s'asseyant en face des interlocuteurs sur un pouf. « De Geneviève, » répondit sa mère. « J'espère que vous allez mettre à profit une pareille aubaine, » dit tranquillement la jeune femme. « Aubaine, soit, mais pas dans les conditions que propose Madame Nanteuil. »« Moitié dans les bénéfices et son nom à toutes les récompenses, » dit tranquillement celle-ci. « Parfait, et moi alors, vous aurez l'autre moitié et l'honneur de l'avoir entrepris. » Cela n'arrangeait pas du tout le manufacturier. Cependant, il se creusait vainement la tête depuis longtemps, en cherchant quelque chose qui pût relever la vitrine qu'il préparait pour l'exposition de 1855, cette première exposition universelle, qui empêchait tant de manufacturiers de dormir. Il y avait quelque chose à faire avec ce point d'Alençon, si miraculeusement retrouvé. Il finit par entrer en pourparlers avec Madame Nanteuil. Rendez-vous fut pris chez celle-ci pour rencontrer Geneviève, et l'on se sépara, à demi contents les uns des autres. Madame Bocquen arriva la première, le jour fixé. Ses amis l'avaient bien prévenu de ne pas se laisser séduire par les premières offres du manufacturier. Il s'agissait non d'un bien-être momentané, mais d'une fortune, d'une position. Il fallait tenir bon, au nom de l'enfant, avait ajouté Marguerite, qui la croyait toujours pauvre, du moins relativement. Monsieur Moisson fut aimable, galant même. Mais la question principale menaçait de ne pas se résoudre. Il pouvait céder de l'argent, soit, mais son idée... L'idée de se faire passer pour l'inventeur de ce qu'un être plus intelligent et moins riche aurait trouvé à sa place, cette idée-là, il y tenait prodigieusement. « Eh bien non, » dit enfin Geneviève en se levant pour finir le débat. « Non. Ma mère m'a légué cela pour toute fortune. J'ai appris par moi-même au moins autant qu'elle m'a enseigné. C'est mon bien. Je le tiens dans ma main fermée. J'aime mieux l'ouvrir pour tout le monde. »« N'allez pas faire une semblable sottise, » s'écria Monsieur Moisson. Geneviève se retourna fièrement. C'est donc une sottise que d'enseigner ce que l'on sait à ses semblables, que de partager avec eux ce que l'on possède. Ah, monsieur, Dieu m'est témoin que j'aimerais mieux donner mon secret à 10 femmes qui meurent de faim que de vous le vendre aux conditions que vous proposez. Bravo, Geneviève ! S'écria Marguerite, qui faisait silencieusement jusque-là du crochet dans l'embrasure d'une fenêtre. Monsieur Moisson eut grand-peur pour son exposition. Que diable ! Dit-il, on ne peut pourtant pas tout mettre dans un seul plateau de la balance. Vous y consentez cependant ? « Pourvu que ce plateau soit le vôtre !» riposta Geneviève. Monsieur Moisson n'avait pas la réplique très prompte, il resta terrassé sous le coup. Tout à coup, Marguerite eut une idée, elle aussi. Elle quitta son crochet et vint s'asseoir entre les deux contractants qui, debout l'un et l'autre, se tournaient le dos avec beaucoup d'humeur. « Écoutez, leur dit-elle, il me semble que tout peut s'arranger. Que demande Madame Bocquen ? Rien que de parfaitement juste. » Que son nom soit cité comme celui de la personne qui a conservé la tradition du point d'Alençon. « Est-ce là, madame ? » dit-elle en se tournant vers Geneviève. Celle-ci répondit oui, de la voix et du sourire. Tout ce que disait Marguerite était bien dit. « Et vous, monsieur Moisson, vous tenez absolument à ce que la vitrine qui portera votre nom renferme le point d'Alençon exécuté par madame Bocquen et à ce qu'on vous attribue l'honneur de cette restitution d'un objet d'art longtemps perdu. « Parbleu, je crois bien que j'y tiens !» s'écria le manufacturier d'un ton bourru. « Eh bien, qui vous empêche de mettre au travail exécuté par madame une inscription ainsi conçue ou à peu près, point d'Alençon, perdu depuis la Révolution, retrouvé et exécuté par madame Geneviève Bocquen, sous les auspices de monsieur Moisson qui en a acquis la propriété unique ?»« C'est un peu long, » ajouta-t-elle avec un sourire, « mais nous prierons l'un de ces messieurs de l'Académie de rédiger notre petite pancarte. Ils ne nous refuseront pas ce léger service. » « Vous consentiriez à affirmer que j'ai acquis la propriété unique de votre poing ?» dit M. Moisson, ébranlé. « Je vous donnerai ma parole de ne l'enseigner qu'aux personnes désignées par vous, » dit Geneviève. « Ce que je ne puis céder, c'est mon droit à faire reconnaître que j'ai retrouvé un secret perdu. »« Vous êtes ambitieuse, » dit lourdement M. Moisson, qui croyait faire une aimable plaisanterie. « Oui, monsieur, pas pour moi, mais pour mon fils. » M. Moisson ne comprit pas, mais ce n'était pas nécessaire. Un accord fut signé. Et Geneviève se trouva, par sa simple signature, en possession d'un revenu de 6 000 francs, d'une part dans les bénéfices, et de la certitude de voir son nom porté à la connaissance du public. M. Moisson s'en alla vite, il avait d'autres affaires. Geneviève voulait le suivre, Marguerite la retint. « Eh bien, que pensez-vous de cela ?»« Je crois rêver, » répondit madame Bocquen. « La tête me tourne, j'ai peur de n'avoir pas compris. Est-ce vrai que mon nom sera sur mon ouvrage à l'exposition ?» « Et sur la liste des récompenses, j'espère ?» dit Marguerite en souriant. « Vous voilà presque riche. »« Oh, la richesse, ça m'est égale, » dit Geneviève d'un ton léger. « Je croyais que cela ne vous serait pas indifférent, » répliqua Madame Reynolds, surprise. La jeune veuve révéla alors à son amie sa véritable position, la fortune de son fils et les motifs puissants qu'il avait décidé à venir combattre contre l'existence afin d'être seul à élever Jean Frappier. « Geneviève, » dit Marguerite, les yeux pleins de larmes, quand cette histoire fut terminée. « Vous êtes sublime. Vous m'aiderez à élever l'enfant que je porte. Car je crains bien qu'il ne soit aussi orphelin que le vôtre, quoique son père soit en vie. Mais à nous deux, nous réussirons, n'est-ce pas ?»